إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc alhamdulillah, on commence maintenant notre sixième partie dans ce cours sur l'explication de la risala du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab au sujet du tawhid al-ibada, expliqué par le Cheikh Mohammed Bazmoul hafizahullah. Et juste avant de commencer ou de continuer à l'endroit où on était rendu, il y a juste un point que j'aimerais clarifier par rapport à une question qu'un frère m'a posée juste avant la salat, et j'ai pensé que c'était très important puis très intéressant en même temps de clarifier, puisque c'est des shubuhat parfois qui sont propagées de la part des gens qui adorent les tombes. Et il faut bien savoir une chose, c'est que si l'adoration des tombes est tellement propagée dans les pays musulmans, souvent c'est à cause de l'ignorance, et souvent c'est à cause des histoires qui sont racontées de bouche à oreille de la part des gens qui sont allés adorer ces tombes-là. Et donc, lorsque quelqu'un, par exemple, est allé à une tombe et que quelque chose lui est arrivé, soit que il est par exemple allé demander pour la guérison pour une maladie ou quelque chose, ou bien pour avoir un vœu exaucé ou quoi, puis que cette chose-là s'est produite, eh bien les gens à qui ces choses-là sont arrivées vont aller répandre ces histoires autour d'eux, dans leur famille, chez leurs proches, et ils vont leur raconter ces histoires-là. Ils vont leur dire, un tel est allé à telle tombe, il a demandé pour telle ou telle chose, et puis c'est arrivé. Donc eux, ils vont parfois avoir des problèmes dans leur vie, ils vont penser que cette chose-là est correcte, et puis ils vont aller eux aussi faire ça. Et donc par la suite, ça devient quelque chose de répandu, puis ça devient par la suite une pratique qui est répandue dans les pays musulmans à cause de ces histoires qui sont répandues. Il y en a de ces histoires qui sont des mensonges parfois, donc ça veut dire les gens, ils inventent des histoires. Il se peut parfois que des gens sont allés à ces tombes-là pour demander, par exemple, à un wali ou à un sayyid ou quoi, que cette personne soit guérie de tel ou tel problème, et que la personne soit guérie parce que c'est quelque chose qui est arrivé en même temps, c'est-à-dire que qu'est-ce que Allah avait prédestiné, c'est-à-dire par coïncidence, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala avait prédestiné que cette personne-là allait guérir à ce moment-là, puis à ce même moment, la personne avait imploré ou demandé à autre que Allah, et c'est arrivé à ce moment-là, donc c'était par la coïncidence. Et également, qu'est-ce qui est possible aussi, qu'est-ce qui se passe souvent, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala fait que ces gens-là parfois soient guéris de ce qu'ils ont demandé, ou qu'ils reçoivent que ce qu'ils ont demandé, parce que Allah subhanahu wa ta'ala les punit. Hein, du fait qu'ils se sont détournés de lui et qu'ils ont demandé à autre que lui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, pour les égarer encore plus et pour les enfoncer encore plus dans leurs égarements pour avoir mécru, il les punit en faisant en sorte que ces choses-là soient exaucées, et donc ils pensent par la suite qu'ils sont sur le bien ou sur le droit chemin ou sur la guidance ou sur quelque chose de correct, et en réalité ils ne font que s'enfoncer dans le kufr et dans le shirk. Hein? Donc ça, c'est des exemples. Et on peut regarder ou prendre en exemple le cas où, par exemple, le fait que quelqu'un invoque autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et que ce qu'il demande, il le reçoit, yani, ça veut pas, c'est pas une preuve que ce qu'il a demandé ou ce qu'il fait est permis par Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Le fait que, par exemple, quelqu'un prie à Jésus, ou prie à Marie, ou prie au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou prie à un sayyid, ou à un wali quelconque, ou à une tombe, ou à une idole, ou à une statue, ou à un djinn, ou peu importe, à un ange, ou autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, au soleil, ou à la lune, ou aux étoiles, et puis que quand il a demandé quelque chose, il l'a reçu. Le fait qu'il l'ait reçu, premièrement, c'est pas la preuve que c'est permis de le faire. D'accord? Donc, même si ça arrivait en coïncidence, ou que Allah subhanahu wa ta'ala faisait en sorte que la personne reçoit ce qu'elle a demandé, hein, il faut comprendre que c'est haram. En partant, Allah a interdit qu'on invoque autre que lui. Hein? Et il a promis à celui qui fait ça l'enfer éternel, puisque c'est un acte de shirk majeur. Donc, même si par exemple, supposons que Allah subhanahu wa ta'ala avait créé un objet, et que cet objet-là, hein, guérissait de toutes les maladies, et qu'il nous avait dit, ne touchez pas à cet objet, sinon vous allez être en enfer pour l'éternité. Hein? Est-ce que quelqu'un, par exemple, aurait, ou dirait, par exemple, bon, moi je veux être guéri, donc je vais être touché, s'il faisait ça, yani, il aurait l'enfer éternel. Et donc, le shirk, c'est la même chose. Si, par exemple, il y aurait réellement une source de guérison dans le fait d'invoquer d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ça n'empêcherait pas le fait que ce serait quand même une forme de shirk majeur qui fait rester quelqu'un en enfer pour l'éternité. D'accord? Et c'est comme, par exemple, lorsque quelqu'un joue à la loterie, hein, et qu'il donne de l'argent, puis il parie sur des numéros, sur quelque chose, puis par la suite, il gagne $1 million. Hein? Ou $1 million. Est-ce que le fait que la personne a gagné $1 million, ça rend halal le fait de jouer à la loterie? Ou est-ce que ça veut dire que parce que cette personne-là a gagné, Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de qu'est-ce que cette personne-là a fait et lui a donné le succès dans cette chose? Non. Puisque de jouer déjà en partant, c'est haram. Hein? Bien entendu, c'est pas shirk. Mais c'est quand même un péché. Et si quelqu'un, par exemple, gagne et qu'il va raconter à tout le monde qu'il a gagné à la loterie, ça devient une fitna pour lui et ça devient une fitna pour les autres, puisque les autres vont être incités eux aussi à dire, peut-être que si moi aussi je joue, peut-être que je veux moi aussi gagner. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu, qui avait prédestiné, hein, que cette personne-là allait gagner. Et ça fait partie du qadar. Hein? Sauf que c'est une fitna, c'est une épreuve. Hein? Et ça ne veut pas dire que Allah est satisfait de ça ou qu'il l'a agréé. Mais bien au contraire, c'est pour mettre ses serviteurs à l'épreuve et pour qu'ils, hein, soient éprouvés et pour qu'ils prouvent et qu'ils montrent qu'ils sont des mu'minines. Hein? Et qu'ils se repentent à Allah subhanahu wa ta'ala si jamais ils sont tombés dans un péché quelconque. Donc ça, c'est un exemple pour dire que si quelqu'un, par exemple, est tombé dans le shirk parce qu'il a cru qu'il allait voir un sayyid ou un wali ou un nabi ou un rasoul ou un messager ou un ange ou autre, il a invoqué d'autres qu'Allah, il a demandé quelque chose et que c'est arrivé, que c'est pas une preuve, premièrement, que c'est permis, hein, et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a prédestiné, que ça allait se produire, et que, le fait que ce soit produit, que cette chose-là se soit produite, ça n'empêche pas que c'est une forme de shirk akbar qui fait sortir de l'islam et qui fait que quelqu'un, s'il meurt dans cet état-là, sans se repentir, il sera en enfer pour l'éternité. Hein? Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important de faire comprendre aux gens qui, dans les pays musulmans, parfois, ils propagent ces rumeurs, ces histoires d'un tel sidi ou un tel wali, qu'on est allé à sa tombe et un tel, il lui est arrivé telle chose. Ou bien il y en a qui vont dire, quelqu'un a parlé mal contre le Sayyid ou contre le Wali et que à cause de ça, il a été puni, il est devenu aveugle, par exemple. Et donc, pour se faire regagner la vue, il fallait qu'il aille, par exemple, faire un acte de shirk à tel ou tel endroit pour que le Wali le guérisse ou des choses de ce genre. Tout ça, ça fait partie du shirk. Et pire encore, puisque ça, il rentre, par la suite, rentre là-dedans, le shirk dans la crainte. Le shirk dans la crainte d'autre que Allah, puisque les gens vont avoir peur de ce Sayyid ou de ce Wali. Hein, et ils vont penser que si ils font ou disent quelque chose, que ce Wali-là va les frapper alors qu'il est mort dans sa tombe et qu'il n'a aucun pouvoir et qu'il ne peut rien faire, ni pour leur nuire, ni pour leur profiter. Hein? Donc, déjà de craindre ce Wali en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça consiste en soi déjà à une forme de shirk majeur qui fait sortir de l'islam. Donc, il faut faire attention donc à ces rumeurs, à ces histoires, et faire comprendre à nos parents ou à nos grands-parents qui répandent ces histoires ou qui croient en ces idées-là, que, et à nous, premièrement, de faire ça, c'est shirk, hein, et que même si il y a des gens à qui, supposément, ils ont été exaucés, que ça, c'est une fitna pour eux, et que c'est une punition pour eux, et qu'ils doivent craindre Allah subhanahu wa ta'ala et s'écarter de ces formes de shirk. Donc ça, c'est juste un point que je voulais mentionner en passant par rapport à cette question-là. Après, le shaykh, il dit « وَالْفَرْقُ بَيْنَ الشِّرْكِ الْأَكْبَرُ وَالشِّرْكِ الْأَصْغَرُ أَوَّلًا أَنَّ الشِّرْكِ الْأَكْبَرُ مُخْرِجٌ مِنَ الْمِلَّةِ وَالشِّرْكُ الْأَصْغَرُ غَيْرُ مُخْرِجٌ مِنَ الْمِلَّةِ. » Donc, le cheikh, il mentionne des distinctions et des différences entre le shirk majeur et le shirk mineur. Donc, premièrement, il dit que le shirk akbar, le shirk majeur, c'est qu'est-ce qui fait sortir de la religion. Et le shirk mineur, il ne fait pas sortir de la religion. Donc, ça, c'est la première distinction. Al-Athani, al-Thaniyan, al-shirk al-akbar yuhbitu jami' al-amal. وهو المراد في قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بينما الشرك الأصغر لا يحبط إلا العمل الذي حصل فيه لا جميع عمله. Donc le cheikh il explique que deuxième point, la deuxième distinction entre le shirk majeur et le shirk mineur, c'est que le shirk majeur il annule et il détruit toute la validité de tout ce que tu as fait comme œuvre ou de bonnes actions. Donc ça veut dire que tout ce que tu as accompli comme bonne action, après avoir accompli le shirk majeur, est annulé complètement. Tu n'auras plus aucune bonne action. Même si tu penses que tu as fait sadaqa, que tu as fait salat, que tu as fait le hajj, que tu as fait zakat, que tu as yani, fait plein de choses de bien, nourrir les pauvres, construire des écoles, des mosquées, des hôpitaux, des routes, des puits. Hein, tu penses que tu as yani, fait plein de bien dans ta vie, mais si tu as commis le shirk, hein, tout ce que tu as fait comme bien n'a aucune valeur par la suite. C'est complètement détruit et annulé, et ça ne vaut que de la poussière. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le mentionne dans le verset 65, dans Surat Az-Zumar, où il mentionne en disant à son prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, « Nous t'avons révélé à toi, ainsi qu'à ceux qui sont venus avant toi parmi les messagers, que si tu fais le shirk, si tu commets le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, toute ton œuvre sera vaine, toute ton œuvre sera annulée, et tu seras du nombre des perdants. » Donc ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'adresse à son prophète et qui lui dit que si toi, ô Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, de même que tous les autres messagers, peu importe que ce soit, hein, Nuh, ou Moussa, ou Ibrahim, ou Isa, ou n'importe quel autre messager avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si l'un d'entre vous commettait un acte de shirk, toutes vos œuvres auraient été annulées. Donc si c'est le cas pour un messager d'Allah, alors pour quelqu'un d'autre d'entre les hommes qui sont bien entendu en dessous des messagers, eh bien c'est encore pire pour eux s'ils commettent le shirk. Hein, puisqu'on sait que les prophètes et les messagers d'Allah sont protégés, hein, de tomber dans ce genre de péché, dans ce genre de shirk. Donc, si l'un d'entre nous tombe dans le shirk, eh bien, ses œuvres seront annulées, si c'est une forme de shirk majeur. Toutefois, si c'est une forme de shirk mineur, ça ne va pas annuler toutes ses œuvres. Ça va uniquement annuler l'œuvre avec laquelle il y a eu du shirk mineur dedans. D'accord ? Ensuite, le cheikh il dit, ثالثا, الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في النار, بينما الشرك الأصغر لا بينما الشرك الأصغر لا صاحبه ليس بخالد مخلد في النار. Donc le cheikh il dit comme troisième distinction entre le shirk majeur et le shirk mineur, c'est que le shirk majeur, celui qui l'a fait, il va rester dans l'enfer pour l'éternité. Et ça c'est quelque chose qui est garanti. Tandis que le shirk mineur, celui qui l'a fait, il n'est pas éternellement dans l'enfer. Il ne va pas rester éternellement dans l'enfer. Hein? Même s'il rentre en enfer, il va en sortir par la suite. Hein? Ça c'est une des distinctions. Et la dernière qui est mentionnée par le cheikh, الشرك الأكبر, رابعاً, الشرك الأكبر لا يغفره الله سبحانه وتعالى. والشرك الأصغر اختلف العلماء فيه. فمنهم من قال يغفره الله سبحانه وتعالى وهو تحت المشيئة, ومنهم من قال لا يغفره الله ولكن قد يستر أو قد يستر ويزول أثره بكثرة الحسنات أو بالأمور التي وردت في الشرع أنها تغالب السيئات فتجعل العبد في مناجاة هذه السيئات أو في منجاة هذه السيئات, مثل أن يكثر الإنسان من عمل الحسنات والطاعات أو بالشفاعة أو برحمة الله أو نحو ذلك مما ذكره أهل العلم. Donc le cheikh il explique que la quatrième distinction entre le shirk majeur et le shirk mineur, c'est que le shirk majeur, Allah ne le pardonnera pas. Le shirk majeur, Allah ne le pardonnera pas. Si quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire si quelqu'un commet le shirk ou pratique le shirk majeur et qu'il meurt, hein, sans être revenu à l'islam, sans s'être repenti, il ne sera jamais pardonné. C'est ça que ça signifie. C'est pas comme si, par exemple, quelqu'un il a pratiqué le shirk durant sa vie, puis qu'à un moment donné, il a compris l'islam, il a compris le tawhid, puis il a dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Là, dans ce cas-là, il s'est repenti du shirk et il est devenu musulman. Et donc, dans ce cas-là, s'il meurt, hein, il est sur le tawhid. Et Allah subhanahu wa ta'ala va le pardonner, même s'il a commis d'autres péchés. Toutefois, la personne qui meurt après avoir commis le shirk sans s'être repenti du shirk et qui meurt dans cet état, alors celui-là, Allah ne va jamais le pardonner. C'est ça que ça signifie. Et en ce qui concerne le shirk mineur, hein, le cheikh il dit, les ulama ont divergé. En ce qui concerne le shirk mineur, est-ce que celui qui meurt en commettant des formes de shirk mineur, est-ce que Allah va le pardonner ou non? Les ulama ont divergé à ce sujet-là. Le cheikh il dit, parmi les ulama, certains d'entre eux ont dit, Allah va lui pardonner et il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah veut, il va lui faire miséricorde et va lui faire rentrer directement au paradis. Donc il est sous sa volonté. Ou bien sinon, Allah subhanahu wa ta'ala va le faire rentrer en enfer pour le punir d'un certain temps. Puis, quand il voudra, il va le faire sortir de l'enfer pour le faire rentrer au paradis. Donc, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la aqida d'Ahl Sunnah wal Jama'a au sujet des gens qui font des grands péchés, hein, ou bien qui font par exemple des formes de shirk mineur, comme on a mentionné. Contrairement aux Khawarij, qui considèrent que si quelqu'un commet un grand péché, il va rester en enfer. S'il commet des grands péchés ou des petits péchés, ou bien des formes de shirk mineur, il considère qu'il va être pour l'éternité en enfer. Hein? Ahl Sunnah, ils disent pas ça. Ils disent que non. Même s'il entre en enfer, il va sortir. Hein? Et bien entendu, c'est basé sur les preuves du Coran et de la Sunna authentique. Yani, ça, c'est quelque chose qui est clair, qui est mutawatir, yani, qui est connu. Et ça, c'est la première position. Donc, huwa tahta al-mashi'a. Et Allah va lui pardonner pour les formes de shirk mineur. La deuxième position, le shaykh il dit, il y en a parmi les ulama qui ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala, la yaghfiruhu Allah, hein, va pas lui pardonner. Allah, il y en a qui disent que le shirk mineur, Allah va pas lui pardonner. Sauf que, il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala le couvre, hein, ou bien que certains effets ou certaines traces de ces formes de shirk mineur soient effacées par les bonnes actions, les nombreuses bonnes actions que cette personne-là a commises par la suite. Donc le fait de faire des bonnes œuvres, ça efface les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, « Innal hasanat yuzhibna sayyat » Hein? Les bonnes œuvres que tu fais, elles font partir les mauvaises. Et il se peut également que la personne ait des péchés, comme par exemple ces péchés-là soient effacés de lui pour certaines raisons qui sont mentionnées dans la charia, hein, qui fait en sorte que ces péchés-là soient effacés de cette personne. Comme par exemple, lorsque quelqu'un est malade ou lorsque lui arrive quelque chose, yani Allah subhanahu wa ta'ala lui efface des péchés. Hein? Lorsqu'il a une blessure ou qu'il se fait mal ou qu'il est malade, chaque chose qui atteint l'être humain de mal, eh bien, ça constitue une forme d'expiation, kafara, hein, pour les péchés que tu as commis. Donc ça peut être une cause aussi qui fait en sorte que certains de ces péchés-là soient effacés. Ou bien le fait que la personne fasse de nombreuses bonnes actions également et de bons actes d'obéissance. Et aussi parmi les causes qui font en sorte que la personne puisse être pardonnée ou qu'on puisse effacer certaines formes de shirk mineur pour elle, c'est par exemple l'intercession des messagers pour cette personne au jour de la résurrection, ou bien la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, pour cette personne au jour de la résurrection. Ça fait partie des choses que les ulama ont mentionnées à ce sujet-là. Donc le cheikh dit وهذه أربعة أمور يفرق فيها أو يفرق فيها بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في النار وصاحب الشرك الأصغر غير خالد مخلد في النار. الشرك الأكبر صاحبه كافر خارج من الملة والشرك الأصغر لا يخرج من الملة. الشرك الأكبر يحبط العمل جميعه والشرك الأصغر يبطل العبادة التي وقع فيها ولا يبطل جميع الأعمال. والشرك الأكبر لا يغفره الله سبحانه وتعالى. واختلف العلماء في الشرك الأصغر هل يغفر أو لا يغفر بخلاف الشرك الأكبر. فالشرك الأكبر لا يغفره الله, واختلف العلماء في الشرك الأصغر هل يغفر أو لا يغفر بخلاف الشرك الأكبر فهو محل اتفاق عندهم. Donc le cheikh il résume encore ces quatre distinctions là. Le premier là, il dit le shirk akbar, celui qu'il fait, il reste éternellement en enfer. Le shirk asghar, celui qu'il fait, il ne reste pas éternellement en enfer. Le shirk akbar, celui qu'il fait, il sort de l'islam. Le shirk asghar, celui qu'il fait, il ne sort pas de l'islam. Le shirk akbar, celui qu'il fait, toutes ses actions sont nulles. Le shirk asghar, celui qu'il fait, toutes ses actions ne sont pas nécessairement nulles. Hein, seulement celle qui est mélangée avec cette forme de shirk mineur. Et pour terminer, le shirk al-akbar, le shirk majeur, Allah ne le pardonnera pas. Tandis que le shirk al-asghar, les ulama ont divergé. Certains disent il sera pardonné, d'autres disent non, il ne sera pas pardonné. Contrairement au shirk majeur, ça c'est quelque chose, tous les savants sont d'accord que le shirk majeur, Allah ne le pardonnera pas. D'accord? Donc le shaykh il dit هذا ضابط التفريق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. Donc c'est ça la règle pour distinguer entre le shirk akbar et le shirk asghar. Et ça c'est très important de faire la distinction entre ces deux choses, parce que sinon, hein, quelqu'un il risque de faire sortir de l'islam des gens alors qu'ils ne sont pas en dehors de l'islam. Hein? Et ça c'est qu'est-ce qui arrive souvent à notre époque, des gens qui font le takfir des musulmans à cause de certaines choses qu'ils considèrent eux comme étant des formes de shirk, mais ils ignorent que parfois ce sont des formes de shirk mineures et non des formes de shirk majeures. Hein? Et comme par exemple de ça, que le shirk il n'a pas mentionné, mais que ça fait partie du tawhid également, les gens qui par exemple jugent par autre que la loi d'Allah. Et les ulama, ils ont distingué dans cette catégorie-là qu'il y a des choses dans le fait de juger par autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont des formes de shirk akbar, et des formes de kuf akbar, et il y en a qui sont des formes de shirk asrar, et des formes de kuf asrar, qui ne font pas sortir de l'islam. Et ils ont expliqué que la personne qui juge par autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui met la loi qui contredit la loi d'Allah au-dessus de celle d'Allah, ça c'est kuf akbar qui fait sortir de l'islam. Et si la personne elle dit non, elle n'est pas supérieure à la loi d'Allah, mais elle est équivalente, égale, c'est la même chose. Cette catégorie-là aussi, c'est une forme de shirk akbar qui fait sortir de l'islam. Hein? Et si elle dit non, c'est pas supérieur et c'est pas égal, mais c'est permis de juger par autre que la loi d'Allah, eh bien ça aussi c'est une forme de shirk akbar qui fait sortir de l'islam. Puisque ça implique que tu rends halal ce qui est haram, et que tu rends haram ce qui est halal, et que tu permets ce qui est contraire à la charia. Donc ça aussi c'est une forme de shirk akbar, puisque ça consiste à faire qu'est-ce qu'on appelle rendre halal ce qui est haram ou rendre haram ce qui est halal. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dis le contraire de ce que Allah dit. Tu nies ce que Allah affirme et tu affirmes ce que Allah nie. Et ça, c'est kufr. D'accord? Donc si quelqu'un, il dit que l'alcool est halal, alors qu'il sait que dans le Coran c'est interdit, ça c'est kufr. Hein? Donc ça c'est une catégorie. Puis par contre, il y a une catégorie que les ulama ont expliqué, qui disent que si quelqu'un par exemple, il sait que quelque chose est haram, et il sait que le verdict dans la charia d'Allah c'est telle ou telle chose, et il reconnaît que c'est ça qui doit être appliqué, et que c'est ça qui est meilleur, et que c'est ça qui est obligatoire d'appliquer, et que s'il le fait pas, il est dans le péché, il est désobéissant à Allah, mais qu'il juge par autre que la vérité dans cette question-là, parce que il suit sa passion, hein? Il suit sa passion, il suit ses désirs, ou bien il aime l'argent, hein? Alors dans ce cas-là, il n'est pas en dehors de l'islam. C'est une forme de kufr asrar et de shirk asrar, mais c'est pas quelque chose qui le fait sortir de la religion de l'islam. D'accord? C'est comme par exemple, quelqu'un, son patron lui dit, toi tu dois vendre de l'alcool. Son patron lui dit, il est musulman son patron. Il dit à son employé qui est musulman, je veux que tu vendes de l'alcool dans son magasin. Et toi tu es son employé. Et tu dis, bon, moi je sais que l'alcool c'est haram. Et lui le patron aussi, il sait que c'est haram l'alcool. Et il sait que qu'est-ce qu'il fait, c'est un péché. Est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là que cette personne qui vend de l'alcool, le patron et l'employé, ils sont des koufars? Non, puisqu'ils reconnaissent l'interdiction. Hein? Ils reconnaissent l'interdiction de l'alcool. Et ils n'ont pas rendu l'alcool halal. C'est parce qu'ils aiment l'argent et ils suivent leur passion. Hein? Et donc, ils ont vendu l'alcool tout en sachant que cet alcool-là est haram. Donc, on dit que c'est une forme de shirk asrar. C'est une forme de shirk mineur. Et non pas une forme de shirk majeur. Et il faut donc faire attention, sinon il y en a des ignorants parmi les musulmans, ou bien des gens qui ont été influencés par les idéologies des khawarij et des takfirin à notre époque, qui vont prendre ça comme une preuve que la personne l'a rendu halal, et ils vont dire que la personne est kafir. Comme par exemple, ils vont dire, si quelqu'un boit de l'alcool, il ne l'aurait pas bu, sauf s'il croit que c'est halal. Donc, le fait de, ils ont fait du fait, ou du geste, ou de l'acte, une approbation, ou de dire que, par exemple, le fait que la personne boit l'alcool, ça prouve qu'elle le rend halal. Non. C'est pas la preuve que la personne a rendu halal. Si quelqu'un fait le zina, ça veut pas dire qu'il a rendu le zina halal. Hein? Et ça, il faut faire la distinction entre les deux. Le fait que quelqu'un le vende ou le boit, ça ne veut pas dire qu'il le rend halal. Peut-être qu'il, dans son cœur, il sait que c'est haram. Peut-être qu'il a honte de ce qu'il fait, hein, et il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala par la suite, et Allah subhanahu wa ta'ala accepte sa repentance. Et il y en a qui ont fait une autre shubha parmi les takfirin à notre époque, parmi certains prêcheurs, Allah al-musta'an, ils ont fait une distinction entre celui qui fait le grand péché une fois et celui qui persiste à le faire plusieurs fois. Et ils ont dit, celui qui persiste à le faire plusieurs fois, lui il le rend halal, et donc il est kafir. Et ça, bien entendu, les ulama ont clarifié, ont dit non, même s'il persiste à le faire plusieurs fois, ça ne le rend pas kafir. Tant que la personne n'a pas dit avec sa bouche clairement qu'il le rend halal. Hein? Et ça, c'est bien important de faire la distinction à ce sujet-là. Hein, parce que sinon, ça, c'est des choses qui font que des gens tombent dans le takfir et font sortir des musulmans de l'islam. Pas seulement les dirigeants, hein, ces choses-là, de juger par la loi d'Allah, c'est pas seulement des choses qui s'appliquent aux dirigeants de l'islam, c'est des choses qui s'appliquent à chaque individu d'entre les musulmans. Parce que chacun d'entre nous, musulmans, on est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala de juger selon la vérité qui est dans le Coran et dans la Sunna. Pas seulement dans les peines, pas seulement dans les lois du pays, mais également dans, en premier de tout, dans l'aqida, dans le tawhid, dans yani le fait de juger entre les jama'at et les groupes et les yani les sectes. Parce qu'il y en a qui se concentrent que sur la politique et qui utilisent ces questions de hakimiyya et de takfir pour mobiliser les masses et les gens et pour les appeler à la rébellion et à la révolte contre les dirigeants. Et puis par la suite, ils ne se concentrent que sur ça. Et ils n'appellent pas les gens au tawhid dans l'adoration et ils ne les mettent pas en garde contre le shirk dans les tombes et les, qu'est-ce que les gens font en général au sujet du shirk. Ils ne se concentrent pas sur ça du tout. Hein, et ils se mélangent même avec des groupes de bid'ah, des soufiyah et d'autres jama'at contemporaines qui ont des gros égarements dans leur aqidah et dans leur manhaj et ils ne disent rien à leur sujet. Hein, pourtant, ils se concentrent uniquement sur la politique. Hein. Donc, ça, c'est des choses qui sont très graves et à notre époque, il faut faire attention à ces choses-là, en particulier des jama'at comme les frères musulmans, les Ikhwan al-Muslimoun, ou bien des jama'ats comme jama'at al-Tablir, des groupes de Tablir qui se mélangent dans ces questions-là parfois, et beaucoup d'entre les gens de Tablir, ils disent non, eux, ils ne parlent pas de ces questions de politique. Peut-être qu'ils ne parlent pas de ces questions de politique, mais parmi eux, il y a des gens qui sont restés tellement longtemps avec eux. Et étant donné que ces gens-là n'enseignent pas les fondements de l'islam, lorsqu'ils ont été approchés par la suite par des gens qui ont des idéologies, des khawarij et des shubuhat, et bien à cause de leur ignorance, du fait d'avoir été trop longtemps avec ces groupes qui n'enseignent pas aux musulmans les fondements de l'islam, ils se sont laissés égarés et déviés facilement par la suite et ils sont tombés dans l'extrémisme et dans l'égarement. Et on a remarqué parmi les gens qui suivent ces jama'at plusieurs formes d'extrémisme et d'exagération dans la religion. Donc il faut faire très attention à ces choses-là. Ensuite le cheikh il dit « وَضَابِتُ هَذَا التَّفْرِيقِ بَيْنَ الشِّرْكَ الْأَكْبَرِ وَالشِّرْكَ الْأَصْغَرِ قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهِ أَمَّا الشِّرْكَ الْأَصْغَرِ فَكَيَسِرُ الرِّيَاءِ وَالتَّصَنُّعِ لِلْخَلْقِ وَالْحَلْفُ بِغَيْرِ اللَّهِ كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك. Donc le cheikh il explique que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah il dit en ce qui concerne le shirk mineur c'est comme le peu de quelqu'un quand il fait du riya mais pas en grosse quantité ou en grosse portion mais on peut dire une ria, une ostentation légère. Donc si c'est fait de façon légère, sans que ce soit exagéré, et sans que ce soit uniquement pour le ria seulement, dans ce cas-là, c'est une forme de shirk asrar, ou de faire quelque chose pour se faire voir par les créatures, ou bien de jurer par autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est quelque chose qui est répandu maintenant chez les musulmans, de jurer par autre que Allah, soit de jurer par la Kaaba, ou de jurer par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de jurer par sur la tête de la mère, ou sur la tête du père, ou bien de jurer par autre chose de ce genre. Tout ça, c'est des formes de shirk asrar. Hein? C'est des formes de shirk asrar. Et si la personne qui jure par autre que Allah le fait en ayant, par exemple, en essayant de mettre à égalité cette chose-là à Allah subhanahu wa ta'ala, alors ça peut même devenir une forme de shirk majeur parfois. D'accord? Donc, de jurer par autre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une forme de shirk asrar. Et beaucoup de gens le font, ils ne savent même pas que c'est en contradiction avec le tawhid. Donc ça, c'est un exemple aussi. Et le shaykh, il dit, c'est mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, qui est rapporté par l'imam Ahmad et Abu Dawood et At-Tirmidhi, et qui est mentionné également et authentifié par Cheikh Al-Albani dans Silsilat al-Ahadith al-Sahiha, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui jure par autre que Allah, alors il a fait le shirk, il a commis le shirk, faqad ashrak. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Et le cheikh il mentionne une série de hadiths à ce sujet-là. Il dit وقال الترمذي عقب الحديث هذا حديث حسن فسره هذا الحديث عند بعض اهل العلم ان قوله فقد كفر او اشرك على التغليظ والحجة في ذلك حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول وابي وامي فقال الا ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله قال أبو عيسى هذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرياء شرك وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا قال لا يرائي. Donc le cheikh il explique que l'imam al-Tirmidhi, on continue, le cheikh il mentionne après que l'imam al-Tirmidhi, après avoir mentionné le hadith qu'on a mentionné, celui qui jure par autre qu'Allah, alors il a commis le shirk, l'imam al-Tirmidhi après avoir mentionné ce hadith là, il dit que c'est un hadith qui est bon et il a été interprété ou expliqué par d'autres hadiths. Et les hommes de science ils disent que, yani, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans une autre version, faqad kafara ou ashrak, il a mécru ou il a commis le shirk, que ça c'est pour augmenter la gravité, pour montrer la gravité encore plus dans cette version-là. Et il mentionne que la preuve à ce sujet-là est dans le hadith rapporté selon Ibn Omar, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu Omar ibn al-Khattab dire je jure par mon père et ma mère, je jure par mon père et je jure par mon père. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Allah vous interdit de jurer par vos pères. Allah vous interdit de jurer par vos pères. Et il mentionne également dans un hadith rapporté par Abi Huraira, selon Abi Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui, lorsqu'il a juré en disant par Allah et par Al-Uzza, qu'il dise à la suite, La ilaha illallah. Parce que, étant donné que les gens, avant l'islam, ils avaient l'habitude de jurer par Allah ou Al-Uzza, des fois c'est des choses qui étaient restées peut-être comme des habitudes que les gens avaient avant l'islam. Donc quand ils sont devenus musulmans, ça se peut que parfois ils s'échappaient de dire une parole comme ça, Wallat wal-Uzza, comme ça par erreur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, si vous dites ça, alors dites après La ilaha illallah. Pour corriger qu'est-ce que vous avez fait. Et Abu Isa, c'est-à-dire l'imam al-Tirmidhi, il dit ensuite, et ça c'est la même chose que qu'est-ce qui a été rapporté de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit que arriya shirk, c'est-à-dire que l'ostentation c'est une forme de shirk. Et certains ont interprété ça parmi les hommes de science par le verset 110 dans sourate Al-Kahf, alors quiconque espère en la rencontre de son Seigneur, alors qu'il fasse une bonne action, qu'il fasse une bonne œuvre, ils ont dit, c'est-à-dire qu'il ne fasse pas de riya, qu'il ne fasse pas des actions avec ostentation. Parmi les exemples de formes de shirk mineurs également, le shirk dit wa qawlu ar-rajul lir-rajul ma sha Allah wa shi'at. Comme on a dit tout à l'heure, de dire ce qu'Allah et toi veulent ou voulez. Aw hadha min Allah wa minna. Ceci vient d'Allah et de nous. Wa ana billahi wa bik wa mali illa Allah wa ant. Aw ma ana mutawakkilun ala Allah wa alayk. Donc le cheikh il mentionne d'autres exemples de ces formules comme ça vient de Allah et de toi ou de nous, ou bien je n'ai que Allah et toi, ou bien je mets ma confiance en Allah et sur toi, ou bien si ce n'était pas de toi, je n'aurais pas eu telle ou telle chose. Donc tout ça, ce sont des formes de shirk asghar dans la parole. Puisque il y a le waw qui est utilisé et qui implique une certaine égalité ou équivalence entre le créateur et la créature. Et c'est pour cette raison-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de dire des expressions de ce genre lorsqu'on parle, et il nous a dit que lorsqu'on parle, lorsqu'on dit quelque chose comme ça, comme au lieu de dire masha'Allah ou ashid, on dit plutôt masha'Allah thumma ashid. On va pas dire par exemple lawla anta lam yakun kaza wa kaza, mais on va dire lawla Allah thumma anta la kana kaza wa kaza ila akhirih. C'est-à-dire on va pas dire si ce n'était pas toi, si ce n'était pas de toi, on n'aurait pas eu telle ou telle chose. On va pas dire ça. On va dire si ce n'était pas d'Allah, puis ensuite de toi, là on n'aurait pas eu telle ou telle chose. Il faut toujours mentionner Allah subhanahu wa ta'ala en premier et faire comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de tout. Puis ensuite, la créature vient par la suite en dessous. Le cheikh il dit "Aw qad yakunu hadha shirkan akbar bihasab qa'ilihi wa maqsaduhu." وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل قال له ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده هذا اللفظ أخف من غيره من الألفاظ. Donc le cheikh il mentionne que ces expressions là parfois peuvent impliquer une forme de shirk majeur également selon l'intention de la personne qui le dit et selon son objectif et son but lorsqu'il le dit. Et il a été rapporté de façon authentique de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'un homme est venu le voir et qui lui a dit ce que Allah et toi voulez, ce que Allah et toi voulez. Et il a répondu: est-ce que tu veux me mettre à égalité avec Allah, tu veux de faire de moi un égo, un égal avec Allah, un nid? Dis ce que Allah veut lui seul. Hein? Donc c'est ce qu'on avait mentionné plus tôt. Le cheikh il dit ومن انواع الشرك سجود المريد للشيخ فانه شرك من الساجد والمسجود له والعجب انهم يقولون ليس هذا سجودا وانما هو وضع الراس قدام الشيخ احتراما وتواضعا فيقال لهؤلاء ولو سميتموه ما سميتموه فحقيقة السجود وضع الرأس لمن يسجد له وكذلك السجود للصنم وللشمس وللنجم وللحجر كله وضع الرأس قدامه. Donc le cheikh il mentionne un autre exemple, il dit et parmi les formes de shirk également il y a l'exemple du mourid qui se prosterne devant son cheikh. Le mourid, c'est celui qui a été initié dans une tariqa soufia. Il a donné un serment d'allégeance à un cheikh d'une tariqa soufia. Hein? Il se prosterne devant son cheikh. Et ça, ça se retrouve souvent chez les soufiyines. Ils se prosternent ou ils s'inclinent devant leur cheikh. Hein? Ça, c'est quelque chose qui est courant. Le cheikh, il dit ça, c'est une forme de shirk de la part de celui qui se prosterne et de la part, hein, et de la part de celui à qui on se, devant qui on se prosterne, parce qu'il est satisfait de se faire prosterner devant lui. Hein? Si quelqu'un on se prosterne devant lui et lui il est satisfait de ça, il accepte ça, donc il a lui aussi commis un acte de shirk, hein, en faisant ça. Et donc il dit le cheikh que une chose qui est étonnante de la part de ces gens-là souvent, c'est qu'ils disent non, ça c'est pas un sujoud, ça c'est pas une prosternation, c'est seulement de poser notre tête devant le cheikh par respect. Et le cheikh il dit, on répond à ces gens-là en disant, appelez-le comme vous voulez, mais ça reste que la prosternation c'est quoi? C'est de mettre notre tête par terre devant quelqu'un. Donc si vous dites, non, c'est pas une prosternation qu'on fait, on fait juste mettre notre tête par terre devant quelqu'un par respect pour lui, eh bien c'est exactement ça la définition et la description de la prosternation. Donc peu importe le nom que vous lui donnez, ça reste quand même que c'est shirk. Hein? Et c'est souvent ça que les mouchrikoun font lorsqu'on les accuse ou lorsqu'on leur montre que qu'est-ce qu'ils font c'est du shirk. Et j'ai déjà fait l'expérience même avec des catholiques, hein, des chrétiens, lorsque j'ai parlé avec eux, je leur ai expliqué que des exemples de ce qu'ils faisaient avec les statues, de se mettre à genoux devant les images, les croix et les statues, que ça c'était de l'idolâtrie et que c'est du shirk. Et ils m'ont dit non, c'est pas du shirk, c'est pas de l'idolâtrie, parce que bien entendu ils refusent d'être appelés idolâtres et ils refusent de reconnaître que ce qu'ils font c'est de l'idolâtrie, puisqu'ils prétendent croire à un Dieu unique. Et ils savent que dans leur livre, il y a la dénonciation et la condamnation de l'idolâtrie. Donc, ils ne veulent pas se faire appeler idolâtres. Mais, hein, ils disent, ça, ce n'est pas de l'idolâtrie, qu'est-ce qu'on fait? On fait seulement montrer du respect à ces statues. Et j'ai dit, comme les ulama ont expliqué, appelez-le comme vous voulez. Appelez-le du respect ou autre. Ça reste que c'est de l'idolâtrie. Ce n'est pas en changeant le nom que ça devient quelque chose d'autre. Et souvent, c'est ça que les gens font à notre époque. Ils ne font que changer la signification des mots et jouer avec les mots. Hein? Et il faut savoir que de changer les mots, ça ne change pas la réalité des choses. Et le cheikh, il dit, de même que de se prosterner au soleil, ou à une idole, ou au soleil, ou à la lune, ou à une pierre, tout ça, c'est de mettre sa tête devant quelque chose. Et donc, c'est une forme de shirk. Et le cheikh il dit وَمِنْ أَنْوَاعِهِ رُكُوعُ الْمُتَعَمِّمِينَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عِنْدَ الْمُلَاقَاةِ وَهَذَا سُجُودٌ فِي اللُّغَةِ وَبِهِ فُسِّرَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا أي منحنين وإلا فلا يمكن الدخول بالجبهة على الأرض ومنه قول العرب سجدت الأشجار إذا أمالتها الريح. Donc le cheikh il dit, et parmi les catégories de prosternation, il y a l'inclinaison ou la révérence, hein? La révérence ou l'inclinaison, le fait de s'incliner devant quelqu'un. Et il donne l'exemple des soufiyines qui portent l'imam, qui portent les turbans parfois. Il y en a des turcs comme ça, vous les voyez avec les turbans. Quand ils se rencontrent, ils se serrent la main puis ils se penchent la tête l'un devant l'autre. Regardez, je souris parce que j'ai vu ça, regardez, j'ai vu des gens faire ça devant moi. Donc, Allah al-Musta'an, c'est-à-dire pas devant moi, devant ma personne, mais en face de moi, c'est-à-dire deux soufis qui se saluaient les uns les autres de cette manière. Et quand ils se saluent, ils s'inclinent l'un en face de l'autre. Et on sait que dans l'islam, on n'a pas le droit de se prosterner, excepté devant le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et on n'a pas le droit de pencher la tête, excepté devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que les soufis, quand ils se rencontrent les uns avec les autres, hein, si c'est leur cheikh, parfois même ils vont se prosterner devant lui et lui embrasser les pieds, ou bien ils vont s'incliner devant lui, hein, de cette manière, et ils disent que ça c'est le salut ou le respect. Et je suis allé dans certains pays même, en Afrique de l'Ouest, et c'est quelque chose qui fait partie même de la coutume parfois chez les gens, de s'incliner devant quelqu'un par respect. Quand tu donnes le salam, tu vois que les gens, ils ont la tendance à pencher la tête devant toi. Et à chaque fois, j'étais obligé de rappeler, hein, à ces personnes-là, de leur dire, ne penche pas la tête quand tu fais le salam. Tu peux rester à ta tête droite et tu donnes le salam avec la main. Parce que de pencher la tête et de s'incliner, ça fait partie des formes de prosternation ou d'inclinaison. Et ça, c'est uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est de l'offrir à autre que Allah, ça rentre dans le shirk. Na'am. Et le cheikh, il explique que linguistiquement, ça fait partie de se prosterner. Puisque dans la langue arabe, même l'inclinaison rentre dans la définition du sujoud, du mot sujoud. Et il mentionne comme preuve de ça le verset 58 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit aux juifs « Udkhulul baba sujjada » et c'est-à-dire entrer dans la porte ou par la porte inclinée. Les ulama ont expliqué que ça veut dire incliner, c'est-à-dire ou bien pencher, hein, un peu par devant. Et sinon, c'est pas possible pour quelqu'un d'entrer le front par terre. Hein? C'est sûr qu'ils vont pas rentrer avec leur front par terre, donc ça ne veut pas dire de se prosterner comme on fait dans la salat, mais plutôt de rentrer, mais pencher par devant, yani. Et il dit que dans la langue arabe, les Arabes disent « sajadat el-ashjar ». c'est-à-dire les arbres se sont prosternés, ou sajadat, lorsque le vent souffle sur les arbres et les font pencher, ils disent sajadat al-asjar. Donc c'est la preuve que linguistiquement, on peut dire de quelqu'un qui s'est incliné légèrement, même ça que ça fait partie de la description de qu'est-ce qui rentre dans le sujoud. Le cheikh il dit également par la suite wa min anwa'ihi halq ar-ra's lish-shaykh fa innahu ta'abbud li ghayrillah wa la yuta'abbad bil halq aw bi halq ar-ra's illa fi an-nusuk lillah khassatan. Le cheikh il dit parmi les catégories de qu'est-ce qui rentre dans les formes de shirk, c'est le fait de se raser la tête pour le cheikh. Parce que ça fait partie d'adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala, de faire un acte de dévotion, d'adoration pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le fait de se raser la tête, ça n'a été légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala que pour les rituels qui sont voués uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de le faire pour une créature, pour un shaykh ou quoi, c'est pas permis. Wa min anwa'ihi at-tawbatu lish-shaykh. فإنه شرك عظيم فإن التوبة لا تكون إلا لله كالصلاة والصيام والحج والنسك فهي خالص حق الله. وفي المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بأسير فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله. Donc le cheikh il dit que parmi les formes de shirk également, c'est le fait de la personne, par exemple chez les soufis parfois ils ont cette notion là de faire tauba pour le cheikh, c'est à dire de se repentir à leur cheikh, et ça c'est une grande forme de shirk. Le cheikh il dit que la tauba, la repentance, c'est uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, la salat, le jeûne, ou toute autre forme d'adoration, comme le hajj ou les sacrifices qu'on fait, ça doit uniquement être pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la musnad, il y a un hadith qui dit que, on a ramené au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un prisonnier. Et le prisonnier a dit, oh Allah, je retourne repentant à toi et je ne me repens pas à Muhammad. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a reconnu son droit à celui qui le mérite et à celui qui le détient, c'est-à-dire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne se repent pas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou on ne se repent pas à un cheikh ou à un être humain, on se repent uniquement de nos péchés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est un petit peu l'exemple de ce que font par exemple parfois les chrétiens également lorsqu'ils commettent des péchés, ils vont voir un prêtre dans le confessionnal et ils vont raconter à ce prêtre tout ce qu'ils ont fait comme péché, et puis ils pensent que c'est correct. Après le prêtre leur dit, ça y est mon fils, va en paix, Dieu t'a pardonné. Et bien entendu personne ne peut pardonner les péchés excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit, fattawbatu ibadatun la tambari illa lillah kassujudi wassiyam. Donc la repentance c'est une adoration qui ne peut être offerte que à Allah seul, comme la prosternation et comme le jeûne et comme toutes les autres formes d'adoration. Ensuite le cheikh il dit, wa min anwa'ihi النذر لغير الله فإنه شرك وهو أعظم من الحلف بغير الله فإذا كان من حلف بغير الله قد أشرك فكيف بمن نذر لغير الله مع أن في السنن من حديث عقبة ابن عامر أنه من حديث عقبة ابن عامر عنه النذر حلفة. Donc le cheikh il dit également parmi les formes de shirk, le fait de faire un nadr, de faire un vœu à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala, que tu t'imposes de faire un acte d'obéissance et d'adoration pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens comme on a mentionné tout à l'heure l'exemple des gens qui vont à la tombe d'un saint et qui demandent d'être exaucés hein, pour un bien quelconque qu'ils veulent, et qu'en échange de ça, ils vont s'imposer de faire un acte d'obéissance ou d'adoration pour ce saint, hein, soit de lui offrir une sadaqa, ils vont venir lui donner de l'argent au wali, ou bien il y a une petite boîte des fois dans les endroits où il y a les mausolées ou les endroits où les gens vont dans les sanctuaires, il y a toujours une petite boîte pour mettre de l'argent. Donc ils donnent, ils font nadr qu'ils vont venir donner sadaqa au wali dans sa petite boîte. Ou bien qu'ils vont donner ça aux enfants du wali qui sont en train de s'occuper de l'endroit où il est enterré, d'accord? Donc eux ils viennent, ils prennent l'argent. Ou bien ils font un nadr qu'ils vont égorger un animal à cet endroit-là pour l'offrir au wali. Et ils l'offrent, bien entendu, la viande aux descendants parfois de ce cheikh qui vivent encore là-bas, parfois. Ou bien de ceux qui sont en train de faire l'entretien des lieux. Hein, ou des choses de ce genre. Donc tout ça, ça fait partie des formes de shirk. Et le cheikh, il dit que de faire un nadr pour autre que Allah, c'est une forme de shirk qui est plus grave que de jurer par autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de faire un serment ou de jurer par autre que Allah, que c'était que celui qui le faisait avait fait le shirk. Alors que dire de celui qui fait un vœu pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ou un nadr, hein, pour autre que Allah, c'est encore plus grave. Malgré que dans certains hadiths, comme dans un hadith rapporté dans les Sunan, selon Uqbat ibn Amir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que de faire un nadr, c'est une forme de serment. C'est une forme de serment. Et le cheikh il dit: وَمِنْ أَنْوَعِهِ الْخَوْفُ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ وَالتَّوَكُّلُ عَلَى غَيْرِ اللَّهِ وَالْعَمَلُ لِغَيْرِ اللَّهِ وَالْإِنَابَةُ وَالْخُضُوعُ وَالذُّلُّ لِغَيْرِ اللَّهِ وابتغاء الرزق من عند غير الله وحمد غير الله على ما أعطى والغنية بذلك عن حمده سبحانه وتعالى والذم والسخط على ما لم يقسمه ولم يجر به القدر وإضافة نعمه إلى غيره واعتقاد أن يكون في الكون ما لا يشاءه. Donc le cheikh il dit également d'autres exemples parmi les exemples de shirk, le fait de craindre autre que Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de mettre sa confiance en autre que Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de faire des actes d'obéissance ou d'adoration pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de se repentir, de s'humilier, de se soumettre à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, de chercher notre risque et notre subsistance d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de glorifier ou de remercier autre que Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'est-ce qu'on a reçu, en s'abstenant ou bien en croyant que c'est suffisant, et de ne pas remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'est-ce qu'il nous a donné. Hein, tu remercies autre que Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'est-ce que tu reçois, et tu oublies de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de blâmer ou de contester qu'est-ce que Allah a prédestiné pour toi. Yani, quand Allah il t'a prédestiné quelque chose, comme par exemple la mort d'un proche, ou bien une maladie, ou bien un malheur, eh bien toi tu contestes la prédestination d'Allah et tu t'objectes à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné pour toi. Donc ça également, ça fait partie, hein, des catégories de shirk, hein, et de kufr. Donc c'est très grave. Également, yani, le fait d'attribuer une grâce à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'attribuer une grâce qu'on a reçue à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ou le fait de croire que dans l'univers il y a des choses qui peuvent se produire autre que ce que Allah a voulu, ou en dehors de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ça, ce sont des formes de shirk, différentes formes de shirk. Donc on va s'arrêter ici, inshallah, pour aujourd'hui. On continuera donc demain, inshallah, pour la suite de qu'est-ce que le shirk mentionne comme exemple à ce sujet-là. Puis, si je ne me trompe pas, donc demain, c'est le premier cours, ce sera le matin cette fois-ci. Inch'Allah, demain, il y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de cours pour les enfants demain matin. Ah, d'accord, khair, Inch'Allah. Donc, alors, demain matin, Inch'Allah, à 11h30, le premier dars. Puis, après, on va prier le zohr, Inch'Allah. Après, l'autre cours, ça va être après le asr, hein, et après le maghreb. Inch'Allah, pour, ça c'est le programme pour demain. Inch'Allah, d'accord? Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.